moi t'es pitié. Mon lacaille pas de vle m'faire musique. Chaque fois vous mal gentil bal. Faut m'sauver sans yon pas qu'on est. Le moi se jouer bal, moi rentrer. Pardon je t'aime, bâton ramasse. Moi pas jamais découragé. Persévérer jusqu'à la fin. Moi pas jamais découragé. Moi persévérer jusqu'à la fin. Moi t'es piti, mon la caille pas de vle m'faire musique. Chaque fois vous mal gentil bal, faut m'sauver sans yon pas qu'on est. Et moi se jouer bal, moi rentrer. Bâton jeté, bâton ramassé. Moi pas jamais découragé, persévérer jusqu'à la fin. Moi pas jamais découragé, moi persévérer jusqu'à la fin. Mais jodi a, musique mène en Europe. Moi visiter l'Amérique. Moi j'ai un contrat pour l'Afrique. Mais je dis à musique mène ma mémoire. Moi visiter l'Amérique. Moi j'ai un contrat pour l'Afrique. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'à fini. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'à fini. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'à fini. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'à fini. Faut nous travailler. Faut nous faire effort, pas décourager. Faut nous travailler pour nous réaliser. Faut nous faire effort, pas décourager. Nous-mêmes qui derrière, faut pas décourager. Nous-mêmes qui derrière, faut pas désespérer. Nous-mêmes qui derrière, faut pas décourager. Nous-mêmes qui derrière. marche en avant. Kembela, Kembela, deux pas à droite, deux pas à gauche, marche en arrière.